Le buffet par Jodel, lu par Trouvert. J'ai un buffet bancal, teinté d'imaginaire. Sa porte ferme mal, mais il a tout pour plaire. Il est mangé de verre et de livres d'autant. Le tiroir mis ouvert, il est ventripotent. J'en ai perdu la clé il y a bien longtemps. Depuis lors, il s'en trouve aux abords du printemps. Son bois travaille encore, raconte des histoires. Ses rêves en bourgeon fleurissent l'écritoire. Quand je fais le ménage, il fait son inventaire. Du fait de son grand âge, il a beaucoup à faire. Il me tend au passage un livre de Trouvert. Je saisis ce présage en lui offrant un verre. S'il veut me remercier, il me parle en grinçant. De toutes ses charnières et son corps grimaçant, il soupire en comptant ses légendes et mythes, chevrotant près de l'âtre ainsi qu'un vieil ermite. Quand j'ouvre la fenêtre, il sert de reposoir aux elfes harassés de leur course du soir. Tout ce bon petit monde enchante mes soirées et mon carnet noirci de leurs mots en secret. J'ai appris depuis peu que l'aulne dont il fut coupé en beltane est scié en juillet. Depuis je me méfie. Cette essence druidique ferait de mes écrits quelques runes magiques. Quand le soleil le frôle, à bien le regarder, je vois des artefacts à ses flancs nervurés. Il est perclus de sorts jusque dans ses moulures, sénescent mais vaillant malgré ses éraflures. J'ai peu de visiteurs, cela le rend jaloux. Si le voisin prévient, je prends un chiffon doux, une peau de chagrin imbibée d'encaustique, ainsi reste serein mon bahut fantastique. J'aime tant ce grand-père aux lubies visionnaires, c'est le plus séduisant de tous mes pensionnaires. Que voulez-vous? C'est fou, vraiment pas ordinaire, j'ai un buffet bancal teinté d'imaginaire.